بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours 98 dans l'explication de du sharh de Kitab al-Tawhid Qurrat Uyun al-Muwahidin, qui est le sharh du Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, et avec les commentaires de Cheikh Saleh al-Fawzan hafizahullah ta'ala. On est toujours dans le chapitre 10, dans le chapitre qui s'intitule Babun ma jaa fi dhabhi li ghayrillah. Et dans ce chapitre, on avait expliqué qu'il y a deux versets, puis après il y a deux hadiths. Donc le premier hadith, c'est le hadith de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, et c'est justement là où on est arrivé pour expliquer la signification de ce hadith. Donc le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il cite donc ce hadith là, il dit wa qawluhu an Ali radiyallahu anhu qala haddathani rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi arba' kalimat: la'ana Allah man dhabaha li ghayrillah, la'ana Allah man la'ana walidayhi, la'ana Allah man awa muhdithan, wa la'ana Allah man ghayyara manar al-ard. Rawahu Muslim. Donc ça, c'est le hadith en question, qui signifie que Ali radiyallahu anhu, il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a informé de quatre phrases. Il m'a donné quatre phrases, ou il m'a parlé de quatre phrases. La première, c'est que Allah maudisse celui qui égorge un animal pour autre que Allah. La deuxième, que Allah maudisse celui qui maudit ses parents. Et la troisième, que Allah maudit celui qui protège un criminel, ou qui donne refuge à un criminel, ou aussi ça peut signifier le fait de protéger, de défendre une bid'a, de défendre une bid'a. Et maudit également, la quatrième, maudit celui qui change les indications des délimitations des terrains ou des terres, les signes ou les bannières qui indique où commence et où termine un terrain. Donc ça, c'est rapporté par l'imam Muslim. Le Cheikh Al-Fawzan, il dit à propos de ce hadith là, il dit هذا الدليل من السنة بعد أن ذكر الأدلة من القرآن على تحريم الذبح لغير الله ذكر الدليل من السنة ذكر الدليل من السنة أو ذكر نعم ذكر الدليل من السنة عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله. الكلمة عند اللغويين تطلق ويراد بها النطق ولو كانت حرفا واحدا، وهذا عند أهل اللغة. أما عند النحويين تطلق الكلمة ويراد بها الجملة، ولهذا يقول الناظم: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. وقد يراد بالكلمة الجملة كما ذكر الله تعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. الكلمة في قوله رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، يعني هذه جملة سماها الله كلمة. كلا إنها كلمة هو قائلها، فيراد بالكلمات هنا في الحديث أربع جمل. Donc le Cheikh, il explique premièrement que ce hadith, il fait partie des preuves de la sunnah mentionnée dans ce chapitre. Après avoir mentionné les preuves du Coran sur l'interdiction d'égorger pour autre que Allah Azza wa Jal, et il mentionne maintenant des preuves de la Sunna. Et c'est un hadith qui est rapporté selon Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a rapporté, ou nous a mentionné que de quatre phrases. Il nous a parlé de quatre phrases. Et la première, c'est La'an Allahu man dhabaha li ghayrillah. C'est-à-dire que Allah maudisse celui qui égorge pour autre que Allah. Et le Cheikh explique que dans la langue arabe, selon les grammariens, c'est-à-dire les savants de la grammaire, ou les linguistes plutôt. Non, al-lughawiyyun, c'est les linguistes. Al-nahwiyyun, c'est les grammariens, c'est-à-dire les savants de la grammaire. Donc, c'est deux approches différentes à la langue arabe. Les linguistes, ils ont une approche, et les savants de la grammaire, ils ont une autre approche. Et c'est pour ça ici que le cheikh, il mentionne les deux points de vue. Il dit que le terme kalima, selon les linguistes, hein, les lughawiyyin, on l'utilise pour désigner la prononciation des mots, qu'est-ce qu'on prononce, hein, le fait de dire les mots, de prononcer, hein, un autre, on dit en arabe. Et donc, il dit, même si c'est une seule lettre, hein, c'est considéré kalima. Tandis que, ça, il dit ça, c'est pour les savants de la langue. Il y en a ce qu'on appelle les linguistes, al-lughawiyyun. Il dit, tandis que pour les savants de la grammaire arabe, le terme kalima, ça désigne une phrase. Hein? Et c'est pour cette raison que l'auteur, Ibn Malik, dans son poème Al-Alfiyat Ibn Malik, il dit dedans, kalamuna lafdun mufidun kastaqim. واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم. Donc tout ça pour dire que on peut utiliser le mot kalima pour désigner une phrase, et ça c'est quelque chose que c'est une chose que parfois certaines personnes ils ne réalisent pas ou ne savent pas. Parce que, par exemple, on dit kalimatu tawhid. Kalimatu tawhid, c'est la ilaha illallah. Muhammad, la ilaha illallah, c'est kalimatu tawhid. Et kalimatu shahada, on dit la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Ça, c'est une phrase. Pourtant, on l'appelle kalima. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. Donc deux paroles, deux kalimas qui sont légères sur la langue, qui sont aimées d'Allah, qui sont légères sur la langue, lourdes dans la balance, c'est de dire سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. Ça c'est deux paroles et pourtant c'est des phrases, d'accord. Donc le cheikh il donne un exemple aussi dans Sourate Al-Mu'minun, le verset 100. Allah Azza wa Jal, il dit dans ce verset ce qui signifie Kalla, non, certes ce n'est qu'une parole, une kalima qu'il dit. Et derrière cela, parce que kalima souvent c'est employé comme pour désigner un mot, mais ce que le cheikh explique là maintenant, c'est que le mot kalima peut non seulement désigner un mot, mais aussi désigner une phrase. Et il donne cet exemple dans ce verset, lorsque Allah Azza wa Jal, il dit non, ce n'est qu'une parole ou qu'un mot qu'il dit, et derrière eux, il y a une barrière jusqu'au jour de la résurrection, c'est-à-dire le barzakh. Après la mort, ils ne peuvent pas revenir dans ce bas monde. Il ne peut plus revenir dans cette vie, après la mort, malgré qu'ils demandent à Allah de les faire revenir. Et c'est ça la parole qu'ils disent. Ils disent Rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fi ma tarakt. C'est-à-dire, oh mon Seigneur, fais-moi revenir pour que je puisse faire une bonne action dans ce que j'ai abandonné ou dans ce que j'avais laissé. Et Allah Azza wa Jal, il répond en disant Kalla, non. Certes, non, ce n'est qu'une parole qu'il dit. En fait, ce n'est qu'une phrase qu'il dit, parce que toute cette chose qu'il demande, c'est une phrase, c'est pas un seul mot. D'accord? Donc ça, c'est la preuve que le mot kalima peut être employé pour désigner une phrase complète. D'accord? Et c'est ça que le cheikh il dit ici, hadhihi jumla, c'est une phrase, Allah l'a appelé kalima, mot, alors qu'en réalité, c'est une phrase. Et qu'est-ce qu'on veut dire par les quatre kalimates, les quatre mots que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionnés dans ce hadith? C'est en réalité quatre phrases et non pas, et non quatre mots. Et c'est ce que j'ai expliqué dans la traduction aussi. Après, le cheikh, il explique, il dit « وَاللَّعْنُ مَعْنَاهُ أَطَّرْدُ وَلِبْعَادُ عَنْ رَحْمَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ وَلَا يَكُونُ إِلَّا عَلَى بَصِيرَةٍ عَلَى كَبِيرَةٍ مِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ فَمِنْ ضَوَابِتِ الْكَبِيرَةِ أَنْ يُلْعَنْ مَنْ فَعَلَهَا أَوْ ارْتَكَبَهَا فَإِذَا لَعَنَ اللَّهُ عز وجل على شيء أو لعن الرسول صلى الله عليه وسلم أو لعن الرسول صلى الله عليه وسلم على شيء دل على أنه محرم وأنه كبيرة من كبائر الذنوب فدل على أن ما جاء في هذا في هذه الجمل الأربع كله من كبائر الذنوب لعن الله من ذبح لغير الله قدم لعن الذابح لغير الله على الجمل الأخرى لأهمية هذا الأمر ولأن الشرك أعظم المحرمات فأعظم ما أمر الله به التوحيد وأعظم ما نهى الله عنه الشرك ولذلك قدمه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. Donc le cheikh il explique que اللعن qui est employé dans ce hadith, dans les quatre phrases que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné, il répète le terme la'ana, la'ana, hein, la'anallah, la'anallah. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que Allah azza wa jal, il a maudit. Et le terme la'an, on le traduit par la malédiction, mais en arabe, ça vient de tard, ou ça signifie at-tardu wal-ib'adu. Hein? Et c'est-à-dire, c'est-à-dire le fait d'être chassé et d'être éloigné de la miséricorde d'Allah, c'est ça al-la'n, d'accord. Et yani le cheikh il dit il y a pas de mention de la'n ou du terme al-la'n, il est mentionné pour désigner que des grands péchés parmi les grands péchés, c'est-à-dire que Allah Azza wa Jal ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils maudissent quelque chose ou quelqu'un, c'est uniquement à cause d'un péché qu'on appelle un péché capital, hein? C'est-à-dire un péché qu'on désigne par le terme kabira. Kabira, ça veut dire grand. Et le pluriel, c'est kabair. Kabair, ça veut dire yani des grands péchés. Hein? Et le cheikh explique que le principe ou la règle sur laquelle on se base pour déterminer la différence entre un péché qui est un grand péché et un péché qui est un péché ordinaire ou qui n'est pas un grand péché, eh bien, c'est le fait qu'il y ait en mention, en relation à ce péché-là, il y a la mention d'une malédiction, hein, al-la'n, ou pour la personne qui le fait ou pour la personne qui commet ce péché-là. Donc, si Allah Azza wa Jal a maudit quelque chose, hein, une action ou une personne à cause de cette action-là, eh bien, soit Allah Azza wa Jal a maudit ou le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, s'il a maudit un acte ou une personne sallallahu alayhi wa sallam, alors à ce moment-là, premièrement, ça indique que la chose en question, elle est haram, et deuxièmement, qu'elle fait partie des grands péchés parmi les grands péchés. Et le cheikh, il dit que ça prouve donc que les quatre phrases qui sont mentionnées dans ce hadith désignent donc quatre parmi les grands péchés mentionnés dans ce hadith-là. Et la première, c'est le fait de, yani, que Allah Azza wa Jal a maudit quiconque égorge pour autre que Allah. Quiconque égorge un animal en sacrifice ou en offrande pour autre que Allah Azza wa Jal. Et la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne la malédiction pour celui qui fait ce genre de choses, avant de mentionner les autres, celle-là est placée en premier parce qu'elle est plus importante en gravité que les autres, puisque c'est un acte de shirk. Et le shirk, c'est la plus grande des interdictions et le plus grand des péchés. Et est la plus importante de toutes les choses que Allah a ordonnées dans la religion de l'islam, c'est le tawhid, c'est-à-dire l'unicité d'Allah. Et la plus grande des choses que Allah Azza wa Jal a interdites, c'est le shirk. Et c'est pour cette raison que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a mentionné cet exemple en priorité et avant tout. Naam. Ensuite, le shaykh il dit, وَفِي قَوْلِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ يعني لَمْ يَسْتَثْنِي شَيْئًا يعني سوى يعني non. Il a dit وَفِي قَوْلِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ لَمْ يَسْتَثْنِي أو لَمْ ي... نعم لم يستثني شيئا سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرا أو حجرا أو جنا أو إنسا أو غيره فهو ملعون قد لعنه النبي صلى الله عليه وسلم لأي قصد كان وهذا هو محل الشاهد من الحديث أن من ذبح لغير الله فإنه ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه لا يستثنى من ذلك شيء لأن الذبح عبادة والعبادة لا تكون إلا لله نعم donc ici le cheikh il explique la fin de l'explication qu'il mentionne à propos de cette phrase c'est que يعني dans le, il dit que Allah maudit celui qui égorge un animal pour autre que Allah. Et le cheikh, il dit que quand il dit pour autre que Allah, eh bien, ça il n'y a pas d'exception dans cette. C'est-à-dire que quand Allah Azza wa Jal, il dit que celui qui égorge pour autre que lui, il est maudit, quand on dit autre que lui, il n'y a pas d'exclusion. C'est-à-dire, il n'y a rien qui est exclu parmi les créatures que les gens peuvent adorer en dehors d'Allah. Tout est compris dans ce pourquoi les gens peuvent égorger parmi les créatures en dehors d'Allah. Si quelqu'un égorge un animal pour un ange, il est maudit. S'il égorge pour un prophète, il est maudit. S'il égorge pour un wali, il est maudit. S'il égorge pour un arbre, ou une pierre, ou un djinn, ou un être humain, ou autre, il est maudit. Peu importe la chose pour laquelle il égorge en dehors d'Allah, il va être maudit. Même si c'est un prophète, même si c'est pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a maudit donc celui qui fait ça. Et Allah azza wa jal le maudit aussi. Peu importe son intention quand il le fait. Et c'est ça le point ici qui est important dans ce hadith-là par rapport au chapitre, puisque le chapitre parle de, yani, du shirk de celui qui égorge pour autre que Allah Azza wa Jal. Et donc le hadith, le hadith explique justement ce principe-là. Que quiconque sacrifie un animal ou égorge un animal pour autre que Allah, il est maudit par la langue du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit que il n'y a pas d'exclusion ou d'exception à cela par rapport à l'objet ou à la chose égorgée ou sacrifiée. Si elle est égorgée pour autre que Allah, eh bien la personne sera maudite. Peu importe la chose pour laquelle il a égorgé. Et pourquoi? Parce que le fait de sacrifier et d'égorger un animal, c'est une adoration, c'est une forme d'adoration. Dans l'islam, c'est une forme d'adoration d'égorger un animal pour Allah. Et donc, si quelqu'un le fait pour autre que Allah, ça veut dire qu'il offre une adoration à une créature et par conséquent, il fait du shirk. Parce que l'adoration est exclusive à Allah et ne doit pas être offerte à autre que Allah Azza wa Jal. Ensuite, le cheikh il explique la deuxième phrase du hadith. Et la deuxième phrase du hadith, c'est la suivante. لعن الله من لعن والديه يعني هذه الكلمة الثانية فالله عز وجل جعل حق الوالدين بعد حقه قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وإذا وإذ أتلوا ما عفوا وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ويقول تعالى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن فدائما يأتي حق الوالدين بعد حق الله سبحانه وتعالى فحقهم البر والإحسان ورد الجميل والتواضع وخفض الجناح لهما وعدم إثارة ما يبغضهما من الكلام وبالفعل بالكلام وبالفعل فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا والعقوق من أكبر الكبائر من الموبقات فطاعة الوالد تأتي بعد طاعة الله لكن بالمعروف قال تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما في الشرك ولكن يبقى حقهما الإكرام من الإكرام والإحسان وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي فالذي يغير هذا الحكم الإلهي في حق الوالدين ويقابلهما بالعقوق والكلام السيء وأقبح الكلام واللعن وأقبح الكلام اللعن فإذا لعن والديه أو أحدهما فقد لعنه الله لأن الجزاء من جنس العمل والوالدان يشمل الآباء والأجداد والجدات الوالدون يشمل الآباء والأجداد والجدات مهما علوا يقال لهم والدان فلا يجوز للإنسان لعن والديه بأن يتفوه بذلك أو يتسبب في لعن والديه كأن يسب أبا أحد أو أم أحد فيسب أباه في المقابل فيكون الإثم على البادئ والمتسبب هو الولد ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يلعن الرجل والديه قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري فلا يلعن والديه مباشرا ولكن يعني فلا يلعن والديه مباشرا ولا تسب ولا تسببا، ومن فعل ذلك فإنه مستحق للعنة. نعم. Donc ici le cheikh il explique un autre point par rapport à ce hadith, que Allah Azza wa Jal il maudit celui qui maudit ses parents. Et ça c'est la deuxième phrase dans le hadith. Et Allah Azza wa Jal il a fait du droit des parents quelque chose qui vient tout de suite après le sien, c'est-à-dire tout de suite après son droit à lui. Hein? Allah Azza wa Jal il dit dans Surat An-Nisa le verset 36, ce qui signifie et adorer Allah et n'associer rien avec lui. Et ensuite il dit et la bonté envers les parents. Donc la bonté envers les parents, ça c'est la preuve que ça vient tout de suite après le droit d'Allah qui est le tawhid. L'obéissance des parents, c'est très important en islam. L'autre verset qui est mentionné, c'est le verset 23 dans Surat al-Isra, dans lequel Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie « Et ton Seigneur a décrété que vous n'adorez rien, vous devez rien adorer excepté lui. » Et ensuite il dit « Et la bonté envers les parents. » Et dans le verset 151 dans Surat al-An'am, Allah Azza wa Jal, il dit ce qui signifie, dit au Muhammad, venez, je vais vous réciter ce que votre Seigneur vous a interdit. Et il mentionne la première chose, an la tushriku bihi shay'a, que vous ne faites aucune forme de shirk avec lui, en associant quoi que ce soit dans votre adoration avec Allah. Et ensuite, il dit, wa bil walidayni ihsana, et la bonté envers les parents. Donc c'est la preuve que le droit des parents vient directement après le tawhid. Ensuite, le verset 13 et 14 dans Surat Luqman, dans lesquels Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie, et lorsque Luqman dit à son fils, alors qu'il l'exhorte, ô mon fils, ne fais pas de shirk avec Allah, certes le shirk est la plus grande des injustices, et nous avons enjoint à l'homme la bonté envers ses parents. Sa mère l'a porté peine après peine, fatigue après fatigue. Et donc tout le temps on trouve dans le Coran la mention du tawhid, et tout de suite après le droit des parents, après le droit d'Allah, c'est le droit des parents. Donc ça prouve la grande importance de la bonté envers les parents en islam, et comment ils ont un droit élevé et important par rapport à Allah et sa religion. Donc le droit des parents à la bonté et au bon traitement, et de leur remettre le beau comportement et le beau traitement qu'ils nous ont donné, ainsi que l'humilité envers eux, et de rabattre notre aile pour eux dans le but de leur montrer la miséricorde et d'agir bien avec eux, et de les préserver lorsqu'ils deviennent plus âgés. Ça, c'est parmi les comportements de l'islam. Et ne pas également les mettre en colère par la parole ou par l'action. Donc, tout ça sont des caractéristiques de l'islam. Pour un musulman, il doit adopter ce comportement-là et agir de cette manière envers ses parents, s'il veut être un vrai musulman et un bon musulman. Ceci dit, même si tes parents ne sont pas musulmans, tu as le devoir d'être bon envers eux et de les écouter dans le bien et de leur obéir dans le bien. Ensuite, le cheikh il explique et il dit, donc le droit des parents au bon comportement et de bien les traiter, de ne pas les mettre en colère et les fâcher avec la parole. Et il mentionne à ce sujet là le verset 23 et 24 dans Surat Al-Isra, dans lesquels Allah Azza wa Jal il explique un autre exemple du comportement que le musulman doit avoir envers ses parents. Et il cite donc ces deux versets là qui sont souvent répétés par les ulama par rapport à ce sujet-là. Allah Azza wa Jal, donc il dit, ne leur dis pas ouf, ne dis pas à ton père et à ta mère off. Yani, pour montrer ton impatience envers eux ou yani, comme leur manquer de respect. Donc ne leur dis pas off. Et également, yani, ne les brusque pas. Hein, ne les brusque pas. Et oui, c'est ça. ولا تقل لهما اف ولا تن وقل لهما ولا تنهرهما ne les brusque pas et mais adresse-toi à eux hein, ou bien plutôt adresse-toi à eux en leur adressant des paroles respectueuses. Et le verset avant ça, il y a une parole qui est mentionnée avant ça que le cheikh il n'a pas cité, ça dit يعني إما أن يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. C'est-à-dire que si l'un d'eux atteint l'âge de la vieillesse ou les deux ensemble deviennent vieux, eh bien dans ce cas-là, يعني ne leur dis pas ouf et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles hein, nobles et respectueuses. Et ensuite il dit et par miséricorde abaisse pour eux l'aile de l'humilité. Hein? Et dit au mon Seigneur, fais-leur à tous les deux, mon père et ma mère, miséricorde, comme ils m'ont élevé quand j'étais tout petit. Donc ça c'est un beau verset dans lequel on voit hein, la miséricorde qui est ordonnée aux musulmans d'avoir envers leurs parents. Et ensuite il dit donc que le fait de manquer de respect, de désobéir aux parents, ça fait partie des plus grands péchés qui soient en islam. Et c'est même parmi les péchés qu'on appelle al-mubiqat. Al-mubiqat, c'est-à-dire les péchés qui te font périr et qui t'amènent à ta perte. Et donc, l'obéissance aux parents, elle vient directement après l'obéissance d'Allah dans le bien. C'est-à-dire que tes parents, tu as l'obligation de leur obéir dans tout ce qui est bon, sauf s'ils t'ordonnent de faire quelque chose qui est interdit par Allah ou un péché. Et il cite à ce sujet-là le verset 15 dans Sourate Luqman, dans lequel Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie « Et s'ils te forcent à faire du shirk avec moi en associant ce dont tu n'as aucune science, alors ne leur obéis pas. » Ne leur obéis pas dans ça. Donc, ne leur obéis pas dans le shirk, ne leur obéis pas dans le péché, de façon générale. Et le cheikh, il dit, mais, par contre, tu dois continuer hein, à avoir un bon comportement avec eux et de les honorer et d'agir avec eux avec bienveillance et bonté. Et ensuite, Allah Azza wa Jal, il dit dans le verset, hein, et sois un bon compagnon pour tous les deux hein, dans ce bas monde, dans le bien, et suis la voie de celui qui s'est repenti hein, vers moi. Et le cheikh il dit ensuite que celui qui change ce jugement divin de la part d'Allah à propos des parents et de leurs droits et qui agit avec les parents avec manque de respect et désobéissance et des paroles mauvaises, hein, et là, parmi les plus mauvaises paroles, il y a le fait de maudire, eh bien, celui qui maudit ses parents ou un de ses parents, alors il a maudit Allah. C'est comme s'il avait, plutôt, c'est pas qu'il a maudit Allah, c'est que Allah le maudit. Hein. Allah le maudit. Salam alaykoum. Celui qui maudit ses parents, un d'entre les deux ou les deux ensemble, Allah le maudit. Et il dit لِأَنَّ الْجَزَاءَ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ, c'est-à-dire la rétribution hein, ou la punition, elle correspondra toujours hein, au crime ou à l'action qui a été faite. Donc si tu as fait du bien, la rétribution sera le bien. Et si tu as fait du mal, la rétribution sera le mal et la rétribution correspondra toujours hein, au mal ou au bien qui a été fait C'est-à-dire que si tu as fait du mal, tu auras un mal qui correspond en punition. Et si tu as fait un bien, tu auras un bien qui correspond en récompense. Et ainsi de suite. Donc, c'est une parole qu'on entend souvent, al-jaza ou min jins al-amal. En voulant dire que tu récoltes ce que tu sèmes. C'est un petit peu dans ce sens-là. Et ensuite, le cheikh, il dit donc que les deux parents, ça ne comprend pas seulement ton père et ta mère, mais ça comprend également tes grands-parents, tes grands-pères et tes grands-mères, en montant. Ça veut dire que ton grand-père, ton arrière-grand-père, ton arrière-arrière-grand-père, et ainsi de suite, en montant. Et ta grand-mère et ton arrière-grand-mère, et ta mère, ton arrière-grand-mère, ta mère, ta grand-mère, ton arrière-grand-mère, ton arrière-arrière-grand-mère, et ainsi de suite, en reculant comme ça. Tous ceux-là sont considérés comme tes parents. C'est pas seulement ton père et ta mère qui t'ont mis au monde. Et il n'est pas permis, donc, à quelqu'un de maudire ses parents, ni de leur dire des mauvaises paroles, ou de les insulter, ou de les dénigrer, hein, d'une manière quelconque. Et celui qui maudit son père, par exemple, ou le père de quelqu'un d'autre, hein, parce que des fois, le cheikh, il dit, quelqu'un peut maudire son père lui-même, ou bien des fois, il va être la cause, hein, pour que son père soit insulté ou maudit par quelqu'un d'autre, parce que lui-même a insulté le père de quelqu'un. Donc, si tu insultes le père ou la mère de quelqu'un, eh bien, cette personne-là, elle va se venger en voulant insulter ton père et ta mère. Et la faute de ça, ou la cause de ça, ça revient à toi, parce que tu as été la cause dans cette action-là de la part de la personne qui maudit tes parents, parce que tu as maudit les siens en premier. Donc, si tu maudis les siens, eh bien, lui, il va vouloir se venger et maudire les tiens par la suite, maudire tes parents. Alors, c'est ta faute. En réalité, c'est comme si c'est toi le responsable de ça. Et si tu ne l'avais pas fait, ça n'aurait pas été le cas. C'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith que Allah il dit, celui qui maudit ses parents, Allah le maudit. Et là, les sahabes ont posé la question, ô messager d'Allah, est-ce qu'un homme va maudire ses parents? Comme si en voulant dire, est-ce que quelqu'un oserait maudire ses propres parents? Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a répondu à ça en disant, yani, si toi tu yani, insultes le père d'un homme, et que lui, à cause de ça, il commence à maudire ton père ou ta mère, eh bien, c'est toi la cause. Donc, c'est comme si tu avais maudit tes propres parents en maudissant les siens. Donc, il n'est pas permis de maudire ses parents de façon directe, ni de façon indirecte, en étant la cause, hein, du fait que quelqu'un maudisse nos parents. Il dit ensuite, et celui qui fait cela, eh bien, il mérite la malédiction d'Allah. Celui qui maudit ses parents, ou qui est la cause pour que ses parents soient maudits, se fassent maudire par quelqu'un d'autre, eh bien, dans ce cas-là, Allah le maudit. Hein? Il mérite la malédiction d'Allah. Et la troisième phrase qui est mentionnée dans ce hadith, c'est la phrase suivante. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, « La'an Allahu man awa muhdithan. » Et le cheikh Al-Fawzan, il dit, هذه الكلمة الثالثة آوى يعني ضمه إليه ودافع عنه وحماه والمحدث يعني محدث هو الذي فعل فعلا يعني يوج المحدث يعني المحدث يا المحدث يا وسي المحدث il dit le cheikh al-muhdith هو الذي يعني فعل فعلا يوجب عليه حد من الحدود ويوجب عليه إقامة الحد كالزاني والسارق وشارب الخمر وقاطع الطريق فمن فعل جريمة تستوجب الحد عليه عليها فلا يجوز لأحد أن يحول بينه وبين إقامة الحد فمن حال بين إقامة الحد بشفاعته أو بسلطته فإنه ملعون ولهذا جاء في الحديث إذا بلغت به السلطان فلعن الله الشافع والمشفع وأراد أسامة بن زيد رضي الله عنه أن يشفع في امرأة من قريش من بني مخزوم سرقت فتقرر يعني قطع يدها فأراد أسامة أن يشفع لها فغضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه يحبه أشد الحب وقال له أتشفع في حد من حدود الله إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. OK, on va traduire jusqu'ici. Le cheikh explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans ce hadith, dans cette partie, dans cette phrase du hadith, que Allah maudit celui qui protège un criminel. Hein? Et ça, c'est une des explications de ce hadith-là, ou de cette phrase-là. C'est une des significations possibles. Et le cheikh explique que le terme awa, c'est un verbe. Hein? Si je ne me trompe pas, c'est awa ya'wi. Yani, ça veut dire de yani dhammahu ilayhi, ça veut dire c'est comme s'il le de serrer quelqu'un contre soi-même ou de le défendre ou de le protéger. Donc c'est dans ce sens-là. Et al-muhdith, hein, si on le dit avec la kasra, muhdith, c'est celui qui a commis un crime qui nécessite une peine dans la charia. Et comme par exemple la personne qui a fait l'adultère ou la fornication, qui a volé, qui a bu de l'alcool, qui a fait du banditisme ou des choses de ce genre, donc celui-là il mérite donc une peine dans la charia. Et yani, le cheikh dit une fois que il a fait ce crime et que ça a été établi qu'il l'a fait et que on l'a ramené devant les autorités, hein, eh bien on n'a plus le droit de s'interposer entre lui et l'établissement de cette peine en sa faveur. Et il dit que celui qui essaie d'intercéder pour la personne pour faire empêcher l'application ou s'interposer dans l'application de cette peine vis-à-vis de cette personne, soit à cause d'une intercession qu'il fait ou parce qu'il a une autorité qu'il veut utiliser dans le but de stopper cette application de cette peine, eh bien, il sera dans ce cas-là, il sera maudit. Et il a été rapporté dans le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné, c'est rapporté dans Al-Muwatta de l'imam Malik, dans la narration de Abu Mus'ab al-Zuhri. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque les peines ont atteint le dirigeant ou l'autorité, alors dans ce cas-là, que Allah maudisse celui qui intercède et celui pour qui on intercède. Et il est rapporté, selon Usama, ou bien plutôt Il est rapporté que Oussama ibn Zayd a voulu intercéder pour une femme de la tribu de Quraysh parmi les nobles de Bani Makhzoum. Elle avait volé et yani, on avait décidé hein, que la peine c'était qu'on devait lui couper la main. Alors Oussama ibn Zayd a intercédé en sa faveur et yani, parce que des gens étaient allés lui demander justement de demander au messager d'Allah de ne pas lui couper la main. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré que Oussama était une personne qu'il aimait beaucoup, hein, c'était yani, le fils de Zayd, hein, donc il l'aimait énormément. Et yani, quand il a vu qu'il venait pour intercéder en sa faveur, il a dit, est-ce que tu viens pour intercéder dans une des peines parmi les punitions d'Allah? Il a dit, hein, il s'est fâché contre lui, malgré qu'il l'aime beaucoup, Oussama. Hein, et il a dit, après avoir mentionné ça, il a dit, les peuples avant vous ont péri uniquement à cause de ce genre de choses. C'est-à-dire que lorsque le noble d'entre eux volait, il le laissait. Et lorsque le faible d'entre eux volait, ils appliquaient sur lui la peine. Et il dit, je jure par Allah que même si ma propre fille, Fatima, la fille de Mohammed, elle volait quelque chose, je lui aurais coupé la main, elle aussi. Donc en voulant dire, pas de privilège, hein, pas d'exclusion de privilège pour les nobles et pour les gens des classes sociales plus élevées, comme si pour leur donner des passe-droits et pour leur permettre de s'échapper des punitions. Hein. Tout le monde est égal devant la loi d'Allah Azza wa Jal, qu'il soit riche ou pauvre. S'il a fait un crime, il doit être puni. Ensuite, le cheikh, il continue l'explication du hadith. Et il dit فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقُومَ الْإِنسَانُ بِإِسْقَاطِ الْحَدِّ عَنْ عَلَى مَنْ تَقَرَّرَ عَلَيْهِ حَدُّ سَرِقَةٍ أَوْ حَدُّ زِنَا أَوْ شُرْبِ الْخَمَرِ أو غير ذلك من الحدود فلا بد من تنفيذ الحد إذا ثبت وتقرر ومن تدخل بإسقاطه فإنه يكون مضادا لحكم الله ويكون ملعونا ويروى أيضا محدثا بفتح الدال والمحدث أي ما أحدث في الدين من البدع والخرافات فلا يجوز للمسلم أن يأوي البدع نعم أن يأوي البدع وأن يناصرها ويدافع عنها فمن دافع عن البدع وناصرها فإنه يكون ملعونا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم الذين يؤلفون الكتب في مناصرة البدع وصبغتها بصبغة التشريع ويلقون المحاضرات والندوات والخطب وينكرون على أهل السنة والجماعة الذين يردون البدع ويحذرون منها ويعيروهم هؤلاء يدخلون في هذا الحديث من آوى محدثا أي لأنهم آووا المحدث وهو البدعة والعياذ بالله لأن الواجب إنكار البدع وما أكثر من يناصرون البدع وما أكثر من يناصرون المجرمين ويدافعون عنهم ويحولون دون إقامة حدود الله في الأرض نسأل الله العافية والسلامة ولكنهم ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فليفعلوا ما شاءوا فإنهم لن يفلتوا من حكم الله فإنهم لن يفلتوا من حكم الله والله أعلم. Le cheikh il dit, donc il n'y a pas de doute que de faire essayer de faire tomber une peine qui a été décidée par rapport à un crime quelconque, soit le vol ou la fornication, l'adultère ou l'alcool ou le fait de boire de l'alcool ou des choses de ce genre. Hein? Le cheikh, il dit, quiconque intercède dans une de ces punitions-là ou une des peines de la charia, donc il dit, il faut que la peine soit appliquée une fois que ça a été établi et qu'on a pris, hein, que ça a été décidé. Et donc, quiconque intercède à ce moment-là ou s'introduit pour essayer de faire tomber la peine en question, alors à ce moment-là, il a opposé le jugement d'Allah, hein, et il sera maudit donc par conséquent. Et il est rapporté que, également, la narration qui existe aussi, c'est « muhdathan ». Donc, il y a les deux. « La'anallahu man awa muhdithan » et aussi « La'anallahu man awa muhdathan » avec la fatha. Et si c'est une avec la fatha, al-muhdath, dans ce cas-là, c'est les innovations dans la religion et les superstitions inventées. Donc, il n'est pas permis aux musulmans de défendre ou de protéger les innovations ou de défendre ceux qui font les innovations et de les supporter ou de les secourir. Donc celui qui fait ça, qui défend les bid'ah, il est maudit par la langue du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ainsi que ceux qui rassemblent des ouvrages ou qui écrivent des livres pour défendre la bid'ah et qui essaient de donner à ces livres-là une forme légiférée, puis qui essaie de faire des conférences et des séminaires et des prêches, hein, et des discours pour essayer de défendre la bid'a et qui critique les gens de Ahl Sunnah wal Jama'a. Hein, ceux qui réfutent les bid'a, hein, ils les critiquent, ils critiquent ceux qui réfutent la bid'a et ils mettent en garde contre les gens de bid'a. Donc eux, ils n'aiment pas ces gens-là, ils n'aiment pas les gens qui mettent en garde contre la bid'a et qui réfutent les bid'a et qui montrent la réalité de leur position et de leur situation. Donc ces gens-là, ils rentrent tous dans la signification du hadith, quiconque protège un innovateur ou une innovation. Donc, l'obligation, c'est plutôt de défendre la sunna, hein, et de condamner. L'obligation, c'est de condamner la bid'a. Donc, celui qui aide la bid'a et qui défend la bid'a et qui protège la bid'a, celui-là, voilà, yazu billah, il faut le condamner, hein. Il faut le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a maudit. Donc il dit لأن الإنكار البدع والتحذير منها, donc le fait de condamner les bid'a et de mettre en garde contre les bid'a et d'ordonner les gens de rester accrochés à la sunna et de se baser sur la sunna, ça c'est qu'est-ce qui est obligatoire aux musulmans. Et il dit comme ils sont nombreux aujourd'hui malheureusement les gens qui défendent la bid'a. Et comme ils sont nombreux également les gens qui défendent les criminels et qui défendent les criminels et qui aident les criminels, hein, et qui essaient de faire tomber les peines que Allah Azza wa Jal a établies sur terre, et donc le Cheikh dit Nasallallahu al-afiyata wa salama, on demande à Allah qu'il nous épargne et qu'il nous sauve, et le Cheikh il dit parce qu'ils sont maudits par la langue du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Donc qu'ils fassent ce qu'ils veulent, ils ne pourront pas s'échapper du jugement d'Allah. Donc ça c'est ce qui conclut notre cours d'aujourd'hui. Il nous reste une phrase à expliquer dans le hadith qu'on expliquera au prochain cours, inshallah. Subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.